time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make it brighter than day. So let's start giving. There's a choice we're making. Make a better day, just you and me. este podcast Dramas, el número 50, como podcast musical que es, no podía comenzar de otra forma que no fuera haciendo un pequeño homenaje a Michael Jackson. Porque al margen de gustos, no hay duda que Michael Jackson ha escrito una página importante en la historia de la música de los últimos 40 años. Este podcast va dedicado a su memoria. Quitamos el resto y nos quedamos con su persona y con su música, la cual ha soportado brillantemente el paso de los años, desde que en 1982 la producción de su disco corriera a cargo de Quincy Jones. Y este We Are The World, con el que hemos comenzado, es un canto humanitario, compuesto por el propio Jackson junto a Lionel Richie, y que en 1985 reunió por una buena causa a lo mejor del panorama musical de aquel momento. Cada 15 días tienes una cita con la música libre en doramas.net. Podcast Doramas, 100% música, 100% copyleft. Pues en este podcast Doramas, como hemos dicho, el número 50, disfrutaremos de cuatro propuestas procedentes de cuatro estilos diferentes. Comenzamos pues con un par de temas del checo Jamison Young, que ya estuvo sonando por aquí con un temita el año pasado. Disfrutemos pues de esta mezcla personal de pop, folk y country alternativo y electrónico. It's hard. Things are never what they seem. As life goes on, things might change. I hope I change my ways. You say that I'm selfish. It's me I aim to please. I have no heart and do not care. There's no one else, just me. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to be the way you are. You've judged and tried me 10 times over, and you told me that I'm cheap. You've said that I should get a life. Get a life, just leave. You don't have to crush me. You don't have to put me down. See you happy, it seems you're bent on crushing me, crushing me, crushing me. It's the day after you burned me and the smoke still hasn't cleared. I don't know what to say. You brought a man to tears. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have I live on a moon, everything's blue. I receive all communication. I'm wild, I'm crazed, I'm free. I live on a moon, far away from you. In that separation, living like the dawn, rest under the neon. In this separate world, fixed to a closed circuit, framed in a field. And send me, send me to the moon. I live on the moon, far away. Far away, yet here we remain. I live on the moon, far away to you. I live on the moon, far away to you. I La segunda propuesta de hoy viene de la mano de Salida Nula, que desde Madrid nos ofrecen un ska, como debe ser, muy movidito. We'll cruzo la barra, casi doy un beso al suelo. Miro hacia el servicio, estoy ya casi que no veo. Me dice el camarero que si quiero un pampero. Oye, que ha avispao el camarero, me ha avisado. Y yo que estoy medio tocao, me gusta celebrarlo todo ya. Aunque alguno no lo va a creer, la pena me la pago yo. Ulele, ulele. El bar, tu bar, el bar está al cerrar. El bar, tu bar, el bar está al cerrar. El bar, tu bar, qué WhatsApp, qué WhatsApp. El bar, tu bar, el bar está al cerrar. El bar, tu bar, el bar está al cerrar. El bar, tu bar, qué WhatsApp, qué WhatsApp. Listen to the beat, it's on, son, son, son, son, son, son. Haceré que, ka, deje, ve tú de heavy metal. Y a mi burro le duele la cabeza. Y el médico le ha dicho que se pimple una cerveza. Ponme un tri naranjos. ¿Qué guasa, qué pasa? Torpe es para todo. Torpe con Windows. Torpe con Mac. Torpe con el delantal. Torpe con la metafísica. Torpe con los móviles. Torpe en el deporte. Torpemente hablando. Bienvenida a mi espacio para torpes. Pues que alguna vez no has sido torpe. Podéis encontrarme en torpesparatodo.wordpress.com o podéis contactarme en torpesparatodo@gmail.com. Hasta pronto. Y tras esta cuña de promoción, continuamos en el podcast Doramas número 50. Saltamos de estilo y por primera vez suena por aquí algo de hip hop. Estamos siempre abiertos a cualquier estilo, siempre que se trate de trabajos interesantes y de calidad, como el que nos ofrece en esta ocasión el francés Nikonoclaste. Débutons cette chanson par le chef de famille, gardien de la paix, père dans les civils, un français moyen, fier de ses origines, belliqueux, coléreux, et un peu misogyne à l'écoute des grosses têtes, il peaufine sa culture qu'il étale toujours. Comme la confiture, le dimanche à la chasse, voilà sa tradition, le litron et les balles, lui servent de munitions, son épouse s'exécute, insipide et soumise, ménagère accomplie, le silence comme devise, vit par procuration, quand elle l'y voici, s'imagine ainsi, riche et loin d'ici, avec des mères commères. Elle dispute dans la rue des palabres dignes d'un débâché de la rue, mais ne tarde pas, car te rôde le danger de ces jeunes bas années qui pourraient l'agresser. Fille de 14 ans se trouve super belle, même que maman croit qu'elle sera top modèle. Elle s'imagine déjà la reine des podiums, de toute évidence, elle n'est pas médium. Et elle se voit aussi en chanteuse Lolita, même qu'au karaoké, on dirait Priscilla. Elle s'est fait caster pour la Star Academy, ils ont dit casse-toi, tu chantes comme un grizzly. Son frère 20 ans est agent de sécurité, tribune Boulogne, supporte le PSG par racisme et pense qu'il y a trop d'immigrés. Qui dit les vols, le travail des Français, sa copine TDI a des jantes chromées suréquipées comme une fille. S'il y connaît pour son bébé, il dépense toutes ses thunes dans le tuning et les rallyes nocturnes. Au mois d'août vient le temps nom des congés payés, la caravane chargée, direction Saint-Tropez. 1000 kilomètres après, les voiles à entasser sur la plage abandonnée par les crustacés. La fille décomplexée se présente au casting, persuadée qu'elle est de gagner Miss Camping. Au soleil, elle a bronzé, masqué son acné. Dommage que sa mocheté, elle puisse pas la cacher. Son frangin va en boîte, mais il sait pas danser, alors forcément il boit et finit bourré. Fatalement devient lourd et même grossier. Résultat, quelques claques de jeunes filles offusquées. Un stylo, un papier, la caméra armée, affûtée comme jamais. Les parents sont lancés, motivés pour traquer les proies de renommée qui ne cessent d'adorer, d'aduler, d'admirer. Chante. Chante, après tu vas entendre Nicolas chanter. Chante. Un gamin de 10 ans regarde souffrir sa mère et devient bien trop tôt un adulte trop amer. J'ai quitté le cocon de l'enfance fugace, jeté dans un gouffre où l'insouciance s'efface. Les années se consument, demeurent les séquelles, comme autant de démons avides de querelles. J'ai quitté le chemin du pays des merveilles, mais je sais que là-bas, un ange me surveille. Je vois dans les terres scintiller son astre, qui voile les terres peuplées de désastres. Je vois cette étoile qui étiole le mal, qui meurt sous les flammes d'une aurore boréale. Comme un prince en asile oublié sur une île, qui exile les blessures des fantômes hostiles. Je m'évade, je retrouve l'abri maternel, dans le sein ancestral de mon astre éternel. Ma rage poétique aspire à rendre hommage au sacrifice de ma mère, son tendre courage. J'écris chacun des mots qui noircissent ses pages pour que dans son ciel s'évanouissent les orages. Une fervente dévotion embrase ma prose quand en son honneur j'embrasse la cause d'embellir sa vie comme une apothéose où les roses écloses ouvrent les portes closes. Elle ressuscite la paix qui m'éplaît, apaise quand ses pensées pensent. Les brûlures débraissent, son amour préserve mon âme des ténèbres où la mort se sustente. Des chimères funèbres, j'offre à sa splendeur les fleurs dissidentes qui s'épanouissent sous ma plume ardente. Et s'accroît la candeur de mon cœur qui croit que ma mère est la reine et l'amour son roi. Au travers des vers exorcistes, je m'exauce. J'exhorte les dieux pour que ses vœux s'exaucent. Que des cohortes d'anges envahissent l'horizon comme au printemps jaillissent les plus belles floraisons. J'enjoins l'empire et d'élever un empire qui verra resplendir son solaire sourire. J'exige des enfers qu'ils brûlent les souvenirs qui hantent et hontaient les prairies de l'avenir. J'intime aux océans l'ordre qu'ils désemparent, les navires noirs qui sa mémoire accaparent. Je prie la nature qu'elle recouvre d'écorce l'arbre maternel qui m'emplit de force. J'assujettis les hommes en laquais obséquieux pour qu'ils édifient sa statue jusqu'aux cieux. J'implore la terre qu'elle épargne mon éclipse quand de sa colère naîtra l'apocalypse. Llegamos a nuestro habitual final con una propuesta más electrónica. En esta ocasión se trata de Ser Raro con su proyecto Music for Films, donde recopila una veintena de píldoras electrónicas a modo de bandas sonoras que se publica en el portal de La Mundial. Hemos recopilado y montado unas cuantas y suenan así. Así, con el trabajo instrumental de Ser Raro, llegamos al final del Podcadoramas número 50. Recuerda, como siempre, que todo lo relacionado con este podcast se puede encontrar en doramas.net. Allí encontrarás, como siempre, todos los datos y todos los enlaces de toda la música que ha sonado en este podcast, así como las direcciones de sindicación y de correo. Pues cerramos este podcast a modo de círculo, volviendo por donde comenzamos, para dedicarle este podcast a la memoria de Michael Jackson, allá donde esté. Say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Everyone. darkest hour, in my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part.